fume juste pour aller mieux. T'es pas Alex, on est bien heureux. Il faut work out pour le pain, faut toujours refaire le plein pour pouvoir racheter du temps, pour recommencer demain. Up, bang, up, bang. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans la vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, j'veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh. Radio G. www.radio-g.fr. Voilà, merci de choisir Radio G. Air d'Afrique. Le rendez-vous incontournable de la musique africaine sur Radio G. Air d'Afrique avec Paul Brou. Salut, salut, c'est Fada Freddy. Salut, salut, c'est Ndongo D. Nous sommes les Daradji Family. Vous êtes sur la Radio G. Aïe, et d'Afrique. Run it. Parce que ça, c'est du futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Avec la musique, nous. Et quand nous naissons avec la musique. Parce que la musique, elle est permanente, quoi. Et même quand on meurt. C'est la musique qui procurait la joie, le son. J'avais un copain qui avait une magnifique voix basse. Sa basse. Mais elle m'interpellait. Je courais après lui pour qu'on puisse chanter à deux pour que j'entende la basse. Francis était en avance, il était notre maître. Vraiment, on jurait, on dormait, Francis bébé, tout ça. Et c'est lui qui m'a initié précisément aux 12 mesures du blues, hein, qui m'a fait connaître l'univers de Duke Ellington et tout ça. Je suis content parce que c'est quand même un compatriote qui m'a fait connaître ça. Et le grand Manou. Voilà, nous sommes toujours là. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus en ce jour de l'an 2001. 2021, excusez-moi, je repars en arrière. Je vous souhaite le meilleur du monde en cette nouvelle année. Grande et belle année à vous tous. L'actualité de l'année 2020 ne doit pas nous faire oublier les valeurs d'amour, de liberté et de fraternité. Pour bien commencer cette année, je vous propose de retrouver vos artistes préférés et nous écoutons. Air d'Afrique, vive la musique et vive Monsieur Paul, merci beaucoup, bonne année, bonne santé, c'est la part de ton griot personnel, Baba Sissoko, vive la musique. Et oui, notre ami artiste Baba Sissoko donne déjà le ton avec le message de fin d'année. Et durant cette émission, que je nomme spécial vœux des artistes, nos collaborateurs vous présenteront leurs vœux avec chacun son style. C'est un plaisir d'être avec eux et aussi avec vous en ce premier dimanche de l'an 2021 pour un nouveau rendez-vous de la musique africaine Air d'Afrique. Avec Air d'Afrique, nous partageons ensemble le même amour pour la musique d'Afrique sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Ça, c'est pour le reste du monde. Voilà, tout est dit. Il est 15h04 à Angers, 14h04 à Bongouanou du côté de la Côte d'Ivoire, 16h04 à Ganzi du côté du Botswana, 17h05 maintenant à Nyeri du côté du Kenya et 14h05 en temps universel. Toutes ces précisions pour vous dire que nous sommes en direct sur Radio G. Et maintenant, voyageons au cœur du continent. Laissons-nous emporter par la vague des styles. Toujours en quête de rencontres et de passerelles, Mama Ohanga, nous ouvre une fenêtre du bonheur avec son titre qu'on appelle « Bonne année, meilleurs vœux ». Et c'est l'occasion de vous redire encore nos vœux les meilleurs. Merengue, merengue, merengue, bonne année. Nous souhaitons bonne année à tout le monde entier. Merengue, merengue, merengue, meilleurs vœux. Nous présentons nos vœux à tout le monde entier. 1er janvier de tous les ans, jour de fête du monde entier. On s'embrasse à cœur ouvert en se souhaitant bonne année. 1er janvier de tous les ans, dans les maisons ou dans les rues, on mange, on boit tous les goûts pour fêter bonne année. Bonne année. l'afrobeat, le rap, le rock and roll, le reggae, le jazz, le couss, le rhythm and blues, merengue. Ah oui, merci, merci notre ami Mama Ouanga. Et nous avons maintenant sur la piste B-Prince, une des valeurs sûres de la musique africaine. Il revient dans Air d'Afrique avec un titre, un autre titre qu'on appelle Ojo Gbeti. Charité Bini, B-Prince on l'eau. Milo, Milo, Sababa Life Star Prod. Che, Odelegu Yoga Kwangan, Ojabalo Banga Lada, Bita Selofanga Yase, Reset Abai, Che, Coach, Ojabale Wama Famboga, Wama Chedagone, Ode Giagwati, Giagwati, Giagwati, Mio Tipeba Patao Yoko, Bossam Peba Patao Yoko. Ode wado nuka yo, wado nuka yo. Wade ya mama uhawa, wade ya baba uhawa. Kite se lofa nga, la musique est un art qui se partage. Et je vous demande de vous mettre tous en piste pour danser sur ce titre de notre ami B-Prince. Oui, toujours en respectant les règles sanitaires. Din Eric Connor. Mi Jimmy Bango Kudaka, Mi Bango Kudaka, Olem Poka Osho, Osho. Kabez nga baka Ferrari, Kabez nga baka Lego, Abale wa Mahewo. Mi show mi gusalak pan suga, Gode wa di mi hawa. Oya mi gbe money, money. Oya mi gbe suga, suga. Oya mi gbe sifa naira. Ajafi ni bobi hulo hulo, oya mi sim guso bakon, mi jile mi andi bawa ye, Godi, Godi. T'as quitté la famille pour avoir un avenir meilleur. Jean-Marcel Kobeni. T'as promis à la daronne la sortie de la misère. So we get for winner brother. Oh, oh, oh, oh. Guillaume Vergès. Oh, them poka o show. Oh, oh, show. Because know that life is not easy. Because know that life is not easy. Godi, Godi, Paul Bro. Tu dois comprendre que la vie n'est pas facile. Tu dois comprendre que la vie n'est pas facile. Godi, Jean-Luc Moreau, Arthur Yoro. Order les amènes, yeah. Order les amènes, yeah. Order me pour qu'au show. Au show, au show. Adelas I met you, God. Adelas I met you, yeah. For them, me fuck out, show. I'm on show, Steve Jacobs, Phil Pambou. Merci, B-Prince, et pour ce clin d'œil que tu fais à ton ami, Brupol. Oui. Diffuser nos artistes d'Afrique grâce à l'édition musicale Air d'Afrique, c'est sur Radio G. Et la répétition est la vertu de la sensibilisation. La répétition est la vertu de la sensibilisation et par le biais de la musique, on peut faire passer tellement de messages et s'instruire aussi. Les vaccins sont là, mais on continue de faire passer le message, restons prudents et on continue notre action de sensibilisation avec Sekouba Bolomba dans ce titre qu'on appelle Bye Bye Corona. Sing it with me. Nous sommes toujours dans l'ambiance de la fête et excusez-moi pour les hésitations. Allez, on se met en afro-reggae avec Sekouba. Coronavirus, social distance. Wash your hand, put your mask. Social distance. Yes, sir. Merci, cher ami. Sekouba, Bolomba, bye bye, Corona. Les vaccins sont là, mais chers amis, soyons toujours prudents, protégeons-nous. Et voici Yeta, qui est un titre traditionnel de la béninoise Ayodélé, accompagné du tam-tam Ogbon, qui sonne sur une base rythmique. Yeti, Yeta. Et c'est pour vous. C'est parti. Jinga o kutamak nyega, yeah yeah yeah kutamak nyega. Enan katnya kutamak nyega, yeah yeah yeah kutamak nyega. Yo katinga o ke yo munanya. Hello, salut tout le monde. Je suis David Taïro. Faites comme moi. Suivez l'émission Aide Afrique sur la radio G. Merci. Yo katinga o kutamak nyega. In a cutting down, put a mark, nigga. Yeah, yeah, yeah, put a mark, nigga. I die it up. Peggy Wayo, a Peggy Wawa, a Peggy Wawa, a Peggy. Yo katinga yo, kutamak nyege. Yeah, yeah, yeah, kutamak nyege. Enon katina, kutamak nyege. Yeah, yeah, yeah, kutamak nyege. Aita, aita, aita, aita, aita, aita, aita. Voilà. Merci Ayodele. Et maintenant, nos amis sont avec nous. Ils sont là pour vous adresser leurs vœux. Leurs vœux avec chacun son style. Et on commence avec un groupe d'artistes. Ils sont là, ils se présentent et ils vous parlent. C'est parti. Salut, c'est Ivy. L'année 2020 est enfin terminée. Alors je profite pour vous souhaiter de tout mon cœur une excellente année 2021 sur la radio G 101.5 FM dans Air d'Afrique qui est à écouter sans modération. Merci. Bonjour Radio Angers, tous les auditrices, tous les auditeurs de l'émission Air d'Afrique. C'est Art Melody représente Burkina Faso, West Africa. Restez connectés et yes, bonne année, bonnes années à tout le monde. Ciao. Je m'appelle Aklan, artiste chanteuse, interprète. Je souhaite que l'année 2021 nous amène une nouvelle raison d'espérer. Il nous enseigne que tout peut recommencer, que demain reviendra la joie et la beauté, que l'avenir nous offrira d'autres raisons d'aimer. Même si l'année 2020 n'a pas été du tout facile avec le corona qui a bouleversé le monde entier, je vous souhaite une très très bonne année 2021 à toutes et à tous. Je vous embrasse très fort. Bonjour, c'est Filaire. Je souhaite une bonne et heureuse année à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Air d'Afrique de Radio G, ainsi qu'à tous mes fans et à toute l'équipe qui entoure notre célèbre producteur. Que cette nouvelle année vous apporte la santé et tout ce qui puisse être le meilleur pour vous et pour vos proches. On se retrouve dans de nouvelles aventures. À bientôt les amis. Salut à tous, je suis Ayodele, artiste, chanteuse, percussionniste. Alors, pour cette nouvelle année 2021, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux, beaucoup de bonheur et j'espère que l'année 2021 sera mille et mille fois mieux que l'année précédente. Portez-vous bien, bisous. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio G sur Angers. Eh ben, bonne année, oh. Voilà, donc ça c'est pour le Big Up de Madeleine Noire, artiste musicien. Pour vous souhaiter la bonne année sur la Radio G. Très bonne année à tout le monde, avec beaucoup de découvertes musicales sur l'émission Air d'Afrique, présentée par Paul au passage, que je salue et que je fais aussi tous mes meilleurs voeux. Et puis, ben, big merci à vous tous. Très bonne année, Mad. Yes, I am okay. Yo, hello. Bonjour à tous. Je suis Christelle Moon depuis le Cameroun, artiste musicienne, comédienne. Donc, je viens comme ça souhaiter déjà tous mes voeux les meilleurs pour l'année 2021 à tous les auditeurs de la Radio G, à Kanga Paul Brou lui-même, à celui qui, comment dirais-je, est la cheville ouvrière et le moteur en même temps de cet organe, qui soutient, qui motive, qui détecte et qui permet de mettre un petit peu en lumière à sa manière toutes les petites ressources que nous sommes à travers le monde. Je te remercie pour ça, Paul, et je remercie aussi tes auditeurs et tous les auditeurs de la Radio G qui sont sûrement nombreux et qui t'écoutent avec passion. Un nouveau jour se lève, une année s'achève, une nouvelle commence et nous allons travailler afin que cette année soit vraiment meilleure que l'année précédente. Nous espérons aussi comme ça que les choses pourront se calmer au niveau des différentes complications sanitaires que nous sommes en train de vivre en ce moment et que les gens ne seront pas totalement confinés, que les salles de spectacle rouvriront aussi en 2021, que nous pourrons, nous autres artistes, peut-être gagner notre pain et pouvoir aussi égayer le public, redonner un peu plus de chaleur, de chaleur humaine à tout le monde. Donc voilà un petit peu mon espoir personnel pour 2021. Et encore tous mes voeux aux auditeurs de la Radio TG. Bisous, bye bye. Merci vraiment les amis, ça me touche profondément. Et nous avons trois artistes qui sont sur la piste actuellement, qui vont vous chanter encore un de leurs singles. Il s'agit des Art Melody, Ivy et Aklan. Et c'est parti. When I got the way, Merci à Ivy. Il est 15h30 ici dans nos studios. Vous écoutez Air d'Afrique, votre émission de musique et culture d'Afrique sur Radio G. Et c'est la première émission de l'année 2021 consacrée aux artistes qui présentent leurs vœux aux auditeurs. Nous continuons bien sûr en musique et voici Aklan qui est sur le plateau, qui est sur la piste. C'est parti. Elle est là pour nous chanter ce single qu'on appelle Tokabola Sentiment. Elle est ivoirienne, mais écoutez, je pense qu'elle chante en lingala. Bon après-midi à tous. Sanza misato ya bolingo mama e na kangi motema o na bakuyaramu na tekinzo to na makani si onza we o na kangi motema o na bakuyalo lango na we na we yo oh mama na sanzi de mokili wo pona lamu tanzi nanga yo oh mama na sanzi de mokili wo pona lamu na lembi mobali ya bima tongo tena pourquoi Asundo langa yo oh baba ya sio Ibala papa Ezali bo umute Tebo yo kanyo Toka bolango sentiment Asi kapela Tonton l'amour Mundialo Le seul grand frère qui me reste La mesure de l'amour Aklan, je suis aussi là, hein. Je suis ton grand frère qui te reste aussi Nawe nawe yo oh mama na sanzi de mokili oh oh pona lamu Veronitico Tanzi nanga yo oh mama na sanzi de mokili oh oh pona lamu na lembi mobali ya bima tongo tena pourquoi Koku firme Asundo langa yo oh oh baba ya sio l'amour est un cristal les alibo umute qui se brise en silence toka bolango sentiment oh chérie J'ai besoin de toi ah. pour donner du vertige à mes rêves. Jacques Anoma. Nixon. Kone. Ala Kwame Mazui Maladingo Yakolinga Tanzie Didier Kwame Ah, Ngaina Lele, papa Chechiri Ngaina Tuna Ré Adou Basala Kaboyate, papa Bakende Kebongote, oh chérie Commissaire Djokoui Bakende Kelibo Soubatala Kasi, ma chérie Antoine Monsia Là. Oh, Ngana yo, papa Oh, Ngana yo, dipo suka seliwa Sidi singa fonsa ya polika chéri Adou Ignace Anadou Ignace, mousoukou ya poliko papa Le parrain La belle idée malade ya basoucio Ah Santavio, oh, oh, oh, papa Poussana lélio, oh, oh, oh Ah Ma Eva. Ma Kenekeli, Bosuba, Tala, Kasima, chérie. Merci Aklan, la musique africaine prend ses droits sur votre radio Angevine, la radio G 5.5 FM ou radio-g.fr pour le reste du monde. Nos artistes sont là et ils vous parlent, ils vous adressent leurs meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Et c'est salut, c'est Enoch Moussaïa depuis Casablanca, membre du groupe Coton d'Africain de Sel. À tous les auditeurs de Air d'Afrique, je vous souhaite une excellente année, qu'elle soit une année de la rédemption, d'intégrité et de plus d'amour dans nos cœurs et qu'elle pérenne dans le monde. Ingeta. Je m'appelle Germaine Kobo, j'habite à Marseille et je vais souhaiter à tous les auditeurs de la radio une belle année en perspective. Nous, on a la chance à Marseille. En tout cas, moi, personnellement, j'ai des projets qui vont éclore et qui sont en bonne voie. Donc, je leur souhaite la même chose à titre personnel, que leurs projets se réalisent. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir les auditeurs. Je vous présente mes meilleurs voeux, santé et bonheur de la Leçon. Je suis Baïs Pinto. Je voulais présenter mes vœux les meilleurs à tous mes fans. Bonne heureuse année à tout le monde. Yeah, oh yeah. If you like the music, come and move your body. If you feel the music, come and shake your body. Hello à tous les charmants auditeurs de l'émission Air d'Afrique avec Paul Brou. Je suis l'artiste Fallon Mati du Cameroun et je souhaite une année très spéciale à tous les charmants auditeurs. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, santé, prospérité, succès dans toutes vos affaires et surtout protection divine, longévité, plus. Je vous aime très très fort et merci pour votre immense soutien. Alors, on se retrouve tout simplement sur mes pages Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Fallon Mati officiel. Et on se dit encore très belle année. Bisous. Bonjour à tous les auditeurs. Je suis Alika, chanteuse originaire de Guinée-Bissau. Que cette année 2021 soit riche et prospère pour vous et vos proches. Qu'elle soit meilleure que 2020, qui fut une année difficile. Mais je vous souhaite à tous que tous vos rêves deviennent enfin réalité. Et une très belle année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci à Paul Brou. Ciao. Bonjour, c'est Betty Chris. Je souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année à Air d'Afrique et Radio G Angers France. J'espère que cette année 2021 sera extraordinaire pour vous. Et merci encore de me suivre dans la musique. À très bientôt. Je vous embrasse fort. Bye. Merci, nous aussi, nous vous embrassons, nous t'embrassons aussi très fort, Betty, du côté de la Suisse. Et tout à l'heure, les artistes se sont repris, oui, c'est normal, nous sommes toujours en fête. Et ça fait un bon moment que nous sommes revenus dans les studios de Radio G. On reprend la main tout doucement. Actuellement, nous continuons en musique. Et nous avons sur la piste trois artistes qui sont là pour nous chanter un de leurs singles. Il s'agit du groupe en Coton d'Afrique, le grand Baïs Pinto, l'homme à la voix d'or de la Côte d'Ivoire et la petite sœur de la Guinée-Bissau, Zalika. On commence avec le groupe Coton d'Afrique. Moto. Oui. Soupa. Meliwana. On garde les distances quand même, hein. On prend soin de nous, on prend soin des autres. Yo kosimbisa enzete lelo lobi kuna azokoma kaka o babi moto li moto tamisa moto. Nous profitons de ce morceau pour saluer tous nos amis du rêve africain. Oui, on pense notamment à Laetitia. Nous vous aimons, portez-vous bien. Bonne année 2021. Et j'écoute Air d'Afrique sur Radio G. Ah, merci le grand Baïs Pinto, l'homme à la voix d'or. J'espère que vous êtes bien en notre compagnie. Vous suivez toujours l'émission Aide Afrique, la musique et culture d'Afrique sur la Radio G. Et en ce premier dimanche de l'an 2021, notre émission a un nom spécial. Oui, c'est bien Aide Afrique, mais dans Aide Afrique, nous avons introduit cette émission en début d'année qu'on appelle spécial vœux des artistes aux auditeurs. Et là, les artistes sont en train de vous adresser leurs vœux de 2021. On était tout à l'heure sur la piste avec Baïs Pinto et c'est maintenant une autre femme qui le remplace. Elle est déjà en piste. Il s'agit de la petite sœur Zaluka de la Guinée-Bissau. Elle est là pour nous chanter Nacha Ouki. Et Nacha Ouki, c'est pour vous en ce 3 janvier 2021. Et nous profitons pour saluer tous ceux qui sont nés aujourd'hui. En les souhaitant, bien sûr, un joyeux anniversaire. Beaucoup de bonheur. Profitez bien de cette journée. Et c'est parti avec ce titre. bonne année à tous les auditeurs de Air d'Afrique. Santé, longévité, prospérité à tous les auditeurs de Air d'Afrique. Je suis Daniel Ngan, artiste musicien. À tous les auditeurs de Air d'Afrique, je vous souhaite une bonne année. Restez scotchés, on est ensemble. Salut à tous, c'est Abdoulaye Diabaté, pianiste et leader du Corajas Trio. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter à vous tous, auditeurs de Air d'Afrique, Radio G d'Angers, une bonne et heureuse année 2021. Et que cette nouvelle année soit l'occasion de retrouver la scène et surtout vous, le public. Bonne et heureuse année 2021. Et sans oublier notre cher animateur, pour vous et son équipe, que ce soit une année avec beaucoup d'Afrique, comme toujours. À tous, je souhaite une santé des fers, parce que c'est le fondamental, santé des fers, voilà. Ce que je demande aux uns aux autres, c'est d'être persévérants, de ne jamais rien lâcher, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés. Parce que tant qu'on vit et qu'on voit le jour, il y a toujours de l'espoir, et de ne jamais, jamais, jamais renoncer, de ne jamais abandonner. Donc, bonne année à tous les auditeurs de Radio G. Alors, c'était Romika qui vous parlait, du Paris, sur Radio G. Salut, salut à tout le personnel de la radio Angers et à tous les auditeurs de l'émission Air d'Afrique. Moi, c'est Rasma, artiste musicienne, chanteuse burkinabé vivant au Mali. D'abord, une pensée à tous ceux qui nous ont quittés en 2020. Une pensée à tous ceux qui ont perdu un être cher. Que cette nouvelle en soit une année consolatrice, une année de santé, d'amour, beaucoup de travail, une année de paix et surtout de solidarité. Bonne année et restez connectés. Moi, comme Sora du Sénégal, je vous souhaite une heureuse et bonne année à tous les auditeurs et autres auditrices de la radio. Salut, salut, moi c'est Massa Démé, artiste musicien burkinabé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année. Que cette année soit une année de paix, de santé, d'amour, de prise de conscience. Une année de joie remplie de musique. Et le reste, ça se passe dans Air d'Afrique avec Paul Kangabrou sur Radio G. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. Salut les gars, je suis Alpha Blondie. Je vous présente mes vœux pour le nouvel an. Ok, que Dieu nous donne tous à tous la santé. On dit le plus grave, c'est la mort. Que l'on garde en vie. Merci les amis. Vraiment, vos messages me vont droit au cœur. Et je pense que les auditeurs aussi en sont vraiment ravis. Nous allons profiter pour écouter deux de nos artistes. Ils sont déjà en piste. Il s'agit du grand Alpha Blondie qu'on ne présente plus, et puis de Ablaye Diabaté avec son groupe le Corajas Band. Voici Alpha Blondie et Angélique Kidjo, une des voix d'Afrique, une des belles voix d'Afrique sur Radio G et c'est dans Air d'Afrique. Ne bougez pas. Ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Vous êtes sur Radio G et vous écoutez la musique africaine. Il est 15h à Dimokro du côté de la Côte d'Ivoire, 16h ici à Angers dans nos studios de Radio G. C'est Alpha Blondie sur Radio G. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Oh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. fait lamenter. Et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Merci à ces deux légendes d'Afrique. Il s'agit de Kone Seydou alias Alpha Blondy et de la grande Angélique Kidjo. Merci d'être là dans l'émission Aide Afrique. On espère que cette année 2021 nous permettra de nous rencontrer à Paris pour la journée africaine. Oui, j'espère bien. Du bord de la lagune Ébrier, du côté de la Côte d'Ivoire, au bord de la Seine à Paris, j'espère vous retrouver en pleine forme pour partager encore les bons moments. Et nous sommes toujours en musique, et c'est la musique d'Afrique qui gagne. Si Radio G, comme l'a dit Massa Démé, nous retrouvons Jazia Satou qui est là pour nous souhaiter une bonne année à sa manière, avec son titre qu'on appelle Temet Liane. Oui, elle est sur la piste pour vous adresser ses vœux à travers ce chant que je viens de donner, tiré de son album Clamy. On reconnaît dans ce titre les influences les plus actuelles, teintées de folk et d'une pop acoustique et percutante. L'inspiration s'infléchit cependant de façon marquée vers les genres traditionnels qui ont bercé ses premières années. Voici Jazia Satou et c'est parti. Okay. Vous êtes toujours sur Radio G et dans Aide Afrique, ne bougez pas. Aide Afrique, ce sont les artistes qui font la différence. Suivez-nous toujours sur radio-g.fr. Gazia Satou, on te laisse la place maintenant. Profites-en. Voilà, merci. On avait annoncé le trio Jazz Band. Oui, ils sont prêts. Le temps où notre ami Ablaye Diakité attendait l'homme de la Kora, il s'agit de Yakuba Sissoko et l'homme de la percussion, il s'agit de Moussa Sissoko. Je pense qu'ils sont là maintenant, oui. Ablaye Diakité me fait signe, ils sont là. Et ils peuvent vous jouer ensemble à ce titre qu'on appelle Sigi. C'est parti, c'est pour vous. Bonne année encore. Voilà, merci à nos amis du trio band de Cora Jazz Band avec notre ami Abdoulaye Diabaté. Oui, une belle balade musicale. Vous êtes sur Radio G et nos artistes sont de nouveau là pour vous adresser leurs vœux de fin d'année. Et c'est parti avec ce groupe. Kwame Tete en état ça. Kwame Tete en état ça. À l'air d'Afrique, à tous les auditeurs, je vous souhaite une excellente année. Paul Brou, on est ensemble. Dread is it, so. Bonjour à tous les auditeurs d'Air d'Afrique. Je suis Lucie Bella et je vous souhaite une bonne année. Pour nous être ensemble pour une nouvelle année pleine de musique. Bisous et à bientôt. Hey, c'est comment? C'est Akeva, aka Mayembe Malaika. So you can just call me Akeva Malaika. Bonjour. Je veux vous souhaiter une bonne nouvelle année. L'émission Air d'Afrique. Big up from Germany. God bless you. Bye. Je suis Germain Somba, artiste, musicien camerounais et africain. Je profite de cette prestigieuse émission Air d'Afrique sur Radio Angers France pour vous adresser mes vœux les meilleurs en ce début d'année 2021. Que cette année vraiment soit fructueuse, soit beaucoup plus glorieuse et radieuse. Merci. Hello, je suis Dino Sitson. Je souhaite une merveilleuse année 2021 à tous les auditeurs d'Air Afrique. Voilà donc, plein de bonheur et merveilleuse année. God bless you. Thanks. Dino Sitson. Bye. Coucou à tous les auditeurs et auditrices de Air d'Afrique. C'est Lady Nancy du Sénégal. Je vous souhaite une très bonne année 2021, loin du tourment de 2020. Et que cette année 2021 soit une année de réussite, de prospérité et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Air d'Afrique, bonne année à tous les auditeurs, bonne année. Salut, c'est l'artiste Virginie Dembélé du Mali. Je vous souhaite une très bonne année de santé, de prospérité, d'amour. Bonne année à tous les auditeurs, auditrices. Fogoni à tous les auditeurs d'Air d'Afrique, c'est Fénose. Je vous souhaite et je nous souhaite, disons, d'accueillir 2021 avec beaucoup d'espoir, beaucoup de belles ondes et en croyant que les choses vont aller mieux parce que nous influençons toute la direction de notre vie par nos pensées. Alors on reste positif. Voilà, c'est ce que je vous souhaite encore. Merci de votre amour. À bientôt. Salut Air d'Afrique, je m'appelle Sekouba Bolomba, tous les auditeurs qui sont branchés, je vous souhaite bonne année 2021, je vous souhaite bonne chance, que le corona nous laisse en paix, va-t'en corona, bye bye corona, et ça ira, même quand ça ne va pas, on baisse pas les bras, yes man. Sekouba Bolomba. Hello, c'est Kansi, artiste, musicien, chanteur. Bonne et heureuse année 2021 à tous les auditeurs de Radio G Angers. Je vous souhaite santé, succès, longévité et prospérité. Peace and love. Kikou, salut à tous. Bienvenue sur Radio G, la radio référence de la musique africaine dans l'Hexagone. Je suis Cheryl Aweliosh, ravie d'être avec vous en ce début d'année pour vous souhaiter une excellente année. Je vous la souhaite belle, dynamique, une année pleine de belles surprises. Voilà, vivez chaque instant comme un instant précieux. Profitez de vos amis, vos enfants, vos parents, soyez heureux. Et voilà, la vie est belle, on n'en a qu'une, donc profitez-en. Et pour la bonne musique, revenez souvent sur Radio G, la meilleure des radios en termes de musique africaine depuis Angers. Gros bisous à tous. Bye bye, ciao. Salut, moi c'est Latisse Rastoudis, le soldat de guerre depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le pays des capitaines Thomas Sankara. Mes vœux le meilleur cette année, beaucoup de joie, de paix, d'amour, de prospérité, de santé à tous. Vraiment, j'insiste sur le côté paix et amour, parce que l'année passée n'a pas été une année facile, que voilà, prions beaucoup, qui est la paix et l'amour dans ce monde. Salut, salut à toi et merci encore, grand merci à toi, mon Koro Kangabrou, depuis la France, qui fait beaucoup la promotion de la musique africaine. Élévation à vous et big up à vous. Je vous aime. C'était le soldat de Dia. Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Pamela Badiogo, artiste chanteuse d'origine gabonaise. Ce petit message pour vous souhaiter meilleurs vœux à vous tous qui écoutez l'émission Air d'Afrique. Santé, prospérité, amour et surtout, n'ayons pas peur de la différence et vive la musique. Et ça se passe sur Air d'Afrique. À tous les auditeurs de l'émission Air d'Afrique, je vous souhaite une bonne année. Bonne année. Bam bam boum. Je suis l'artiste musicien Joël After Tears. Je viens par ma belle mélodie si présente vous souhaiter une heureuse année en espérant que l'émission Air d'Afrique de Radio G continuera de nous faire vibrer. Merci. Voilà, merci beaucoup les amis. Vos messages me touchent profondément. Air d'Afrique, une aventure extraordinaire où on entend tout ce qu'on n'entend pas ailleurs. Voici Pamela Badiogo dans son nouveau single qu'on appelle Toto. Et c'est pour vous. Toto, nalé, nalé. amis auditeurs de l'émission Air d'Afrique sur Radio Angers. Moi, c'est Ingamadi Moudios Nemo, le pape du Dala. Je vous souhaite une bonne et heureuse année de santé, amour, paix et bien sûr de la bonne humeur. Bonjour, je suis Alice Kobayane du groupe Kakuluma. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle nous apporte beaucoup de bonheur, de santé et de réussite dans tous nos projets. Bonne année à Kanga Polbro et à toute l'équipe de Radio G. C'est vrai que l'année dernière n'a pas du tout été facile et que les 12 mois à venir soient synonymes de joie, de paix, de santé et beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai concocté une petite chanson pour 2021. Alors, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année 2021. Que 2021 soit couronné de gloire. Que 2021 soit couronné de succès. Que 2021 soit couronné de paix, de joie, de santé, beaucoup d'amour. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année 2021. Merci beaucoup. Yeah, c'est Top One Free, sans victime, sans charme, sans frère, soit le bébé très mignon de Only on the Bing One, number one in the world, sous cas le cola chewing-gum, la tête et non la queue. Yeah, je souhaite à tous les auditeurs de Air d'Afrique de Radio G Angers les vœux les meilleurs pour l'année 2021. Que 2021 soit une année où tous nous allons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Yeah, man! Avec tout ce qui suivra, ma musique vous fera danser encore de plus belle. Je l'espère et je ferai de mon mieux. Bonne année! Hey yo, c'est Benidja, mes meilleurs voeux à toute l'équipe de Air d'Afrique, Radio G. Oui, à Angers. Yes, I just blessing. Que la bénédiction soit le partage de tous. Que l'unité, que l'amour, que la bénignité, que la santé, que la vie soit le partage de tous et de toutes. Bonne heureuse année 2021. Que la vie soit enchantée de nous. Just bless. Benidja Sweetie, Love Time, Reggae Music, Sen. Coucou les auditrices et auditeurs de la radio G. Air d'Afrique. Coucou à Monsieur Paul Brou. Je voudrais souhaiter par cette occasion à tout ce beau monde qui vous suit pour l'année 2021 une année de prospérité, une année de paix et surtout une année santé de fer pour tout le monde afin qu'on puisse se retrouver. J'espère très très très vite sur scène, voilà, qu'on puisse encore de nouveau pouvoir se faire des câlins, se faire des bisous. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très très très vite. Moi c'est Koto Brawa, à bientôt, bisous à tout le monde. Yes I, bless and love, Air d'Afrique, auditrice, auditeur, sisters and brothers. C'est Mama Café. Yes, je sais que cette année 2020 a été un choc pour nous tous, mais vraiment, vraiment, que la nouvelle année 2021 nous apporte vraiment des belles choses. Pour nous tous, one love, one heart, one destiny, Rastafari, Air d'Afrique. I am the reason why you smile, yes I am. I am the reason why you cry, yes I am. I am the reason that you are, yes I am. I am, I am, I am woman. Bonjour, I am Kole Dube and I wish you all a happy new year to all the fans and especially the listeners of Air d'Afrique. Stay connected on Radio Anger and follow us on all our social media. Ja, Rastafari! Super, merci Kole Dube, vous l'avez remarqué, l'Afrique est un continent où nous parlons plusieurs langues, le français, l'anglais, le portugais, et puis même, on peut dire aussi l'allemand. Donc, c'était Nkoule Dube, la fille de Lucky Dube, fée de Lucky Dube du Sud-Afrique, qui vient de vous souhaiter ses vœux les meilleurs. Et nous allons profiter pour se faire plaisir avec Beniga. Il est déjà sur la piste et après Beniga, on retrouvera encore un coup de doublé dans un titre inédit. Voici Beniga. Almighty Jah. L'esprit, il faut pouvoir garder la foi en écoutant les vrais cantiques de Jah Jah. Je peux t'assurer que tu n'auras pas tort d'être pour Jah. Car seul en lui tu trouves le bonheur, sois pour Jah. Ses paroles sont vérité et t'en saint amour. Il te réserve une place auprès de lui pour toujours. Un seigneur, es-tu déjà inscrit? Sinon prends le train, le dernier. À craindre le jugement dernier, car celui qui croira à sa parole aura la vie éternelle. Car seul en lui tu trouves le bonheur, sois pour Jah. Ses paroles sont vérité et ton saint l'amour. Il te réserve une place auprès de lui pour toujours. Un Seigneur, es-tu déjà inscrit? Sinon prends le train, le dernier. De tes enfants, King Almighty Jah, qui ne sont plus spirituels, qui n'aiment que le matériel, oh Jah, accepte dans le ciel. Oh Jah, King Almighty Jah, écoute donc ses pleurs, je t'en supplie, ses paroles viennent du fond du cœur. Reggae man, feed, vibre chantique, écoute ta fille, ce n'est pas encore fini. Merci Beniga. Voilà, Aide Afrique avec le tube qui enflamme les pistes de danse. La diversité ne manque pas. Du raï à l'afrobeat, en passant par le ndomolo, le zouglou ou encore l'afrobeat ou l'afro-reggae, l'Afrique réveille une autre musique sur la Radio G. Ne changez rien. Voici Nkoulé Doubé. Merci, Nkoulé Doubé. On espère retrouver toute la diaspora à Paris cette année pour la journée africaine. Notre émission est partenaire. On espère retrouver les grandes têtes comme Youssouf Ndour, Alpha Blondie, Angélique Kidjo, Salif Keïta et tous les autres que vous connaissez. Bon, actuellement, ils sont là pour vous présenter leurs vœux de fin d'année. Oui, nos amis artistes, nos collaborateurs, c'est grâce à eux que nous pouvons travailler. Ils sont avec nous aujourd'hui pour vous adresser leurs vœux. Et c'est parti. Bonjour, bonjour. Je souhaite à tous le meilleur. Pour moi, le meilleur, il est dans nous. Alors, je vous encourage à commencer par vous-même, d'acquérir paix, conscience et sérénité pour avoir la liberté d'aimer sans frontières. Que le meilleur nous gagne. Force à Kanga Paul Brou qui nous offrit en musique Mets la métropole debout dans son émission Air d'Afrique. C'est Shelly Alone. Merci. Bonjour, hello tout le monde. Ici c'est Annie Chris, A-N-Y-C-R-I-S, artiste rappeuse ivoirienne. Ce message-là, c'est pour tous les auditeurs et auditrices de Air d'Afrique. Je tiens à vous souhaiter une bonne, heureuse année. Tous mes voeux de bonheur pour vous, dans la santé, et surtout que cette année-là soit pour vous une année pleine d'élévation professionnelle comme personnelle. C'est mon vœu pour tous les auditeurs A-N-Y-C-R-I-S. Big up et encore bonne année. Moi, c'est Ouedraogo Kissoua Nsida Ali à l'état civil et je suis connu comme sous le pseudonyme de Dweslik, l'architecte de la pensée. Chers auditeurs et auditrices de la radio G, je vous souhaite une année de bonheur, de joie de vivre et de donner de la joie autour de vous parce que le monde, ce n'est pas que soi, c'est aussi l'autre. Et je souhaite que cette année et les années à venir soit des années lumineuses qui vous conduisent vers la lumière et le bonheur. Bonjour, c'est Thérèse. Je souhaite aux auditeurs d'Aide Afrique et à tous une très bonne année dans la joie, la douceur, l'amour et la prospérité. Bisous. Amina, Amina Tolé, elle est si bas, Sinawo. Amina Toussé, oh Toussé, Amina Sey Sey. Oh, c'est. Salut, je suis l'artiste Michel Gallier de la Côte d'Ivoire. Je souhaite à tous les auditeurs de l'émission Air d'Afrique tous mes voeux de bonheur, de santé. En tout cas, plein de bonnes énergies. Que Dieu bénisse la vie d'Angers. Merci pour tout. À bientôt. Bonne année à tous les aïmans de la planète. Bonne année à la radio Angers. Bonne année à toi, mon vieux pays. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Charles le prophète. Sango. Yangatiko Dorotimi Sango Yangatiko Dorotimi Sango Yangatiko Dorotimi Sango Yangatiko Dorotimi. Salut tout le monde, c'est Idil Momba, chanteuse de la République Centrafricaine. Je voudrais tout simplement souhaiter mes meilleurs voeux à tous les auditeurs et auditrices de l'émission Air d'Afrique sur la radio Angers. En tout cas, beaucoup de santé à vous, car quand il y a la santé, on peut déplacer les montagnes. Alors je vous souhaite tous mes voeux de santé, santé de fer pour cette année. À très bientôt sur la radio Angers. Ciao. Voilà, moi je suis Tiken Diafakoli. Mais je souhaite mes meilleurs voeux à toutes les aïe. Un grand bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio G. Ici Samaria, je vous adresse mes meilleurs voeux. Beaucoup d'amour, de force et d'espérance. Je suis Monica Pereira, je vous souhaite de très bonnes fêtes et une excellente année à tous mes fans et aux auditeurs de l'émission Air d'Afrique. Bonjour, c'est Delizia Léon, je vous souhaite une belle année 2021 en écoutant Radio Angers. Bisous, bisous. Bonjour, c'est Awali et je souhaite à toutes les auditrices et les auditeurs de l'émission Air d'Afrique sur Radio Angers France, une excellente année pleine d'amour, pleine de lumière, de réelle solidarité, de réelle fraternité et sororité. Encore une fois, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de joie. Bonne année, à bientôt. Toute l'équipe du festival La Nuit Burkinabé vous souhaite une excellente année sur les ondes de Radio G. Anisankwa, Nitaobo, Aosambe Sambe. Je salue les auditrices et auditeurs de l'émission Air d'Afrique ainsi que le présentateur Paul Brou. Je suis Nkeli Farah, chanteur togolais. Je souhaite à tous une bonne année pleine de joie, de bonheur et de réussite. Voilà, comme vous l'avez entendu, chacun avec son style, Tikenga a été plus simple. Et on continue avec le reste des artistes. Ils sont toujours avec nous. Je suis l'artiste Nounou et je vous souhaite une bonne année et heureuse année aux auditeurs de la Radio G. Restez connectés sur Radio G pour écouter la musique africaine. Bonne année aux auditeurs. Gros bisous à vous. Bonjour, mon nom est Erta, je suis une chanteuse camerounaise, je fais de la world music. Voilà, donc je voudrais souhaiter mes vœux de fin d'année à tous les auditeurs d'Afrique. Merci, bisous, au revoir. Salut, je suis Némi, artiste chanteuse ivoirienne. Alors, pour la nouvelle année, je vous souhaite plein de bonheur, plein de douceur et que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble au-delà de vos espérances. Et j'espère que tous les moments difficiles traversés vont se changer en moments de bonheur. En tout cas, tous mes vœux de bonheur pour la mère. Je vous embrasse. Bonjour à tous les auditeurs. De la part de Christy Diamond, je vous souhaite une très bonne année. Paix, bonheur, la joie, l'amour dans vos foyers. Et à très bientôt. Bonjour à tous les auditeurs. Ici votre Dayendi. Alors, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Tous mes vœux de santé, de succès. Mettez-y tout ce que vous avez besoin. Et que cette année soit une année d'accomplissement pour tous les nouveaux challenges. Et je vous fais plein de bisous. Salut, salut à tous mes fans du monde entier. Moi, c'est l'artiste Kantala. Je venais souhaiter mes meilleurs vœux à tous les fans du monde entier et aux éditeurs de la radio Angers en France. La radio qui nous accompagne depuis le Burkina, toute l'Afrique et du monde entier. Voilà, je souhaite à la radio Angers que du bonheur, plein de musique, plein de nouveaux albums, plein de talents et merci à vous. Bisous. Bonjour, c'est Kieko. Je voudrais souhaiter une belle et heureuse année à tous les auditeurs et je leur promets une belle année musicale. Donc, tous mes voeux de santé, de paix, de prospérité, de respect et tout ce qui suit, quoi. One love, Kieko, Afro Reggae Roots du Sénégal. Blessing, thank you. Bonjour à toutes et à tous. C'est votre Java Crystal Gaga, la créatrice du calisson à faire de confiance et de respect, votre artiste, chanteuse. Vous m'avez suivi pendant toute l'année. Aujourd'hui, je viens à mon tour vous dire merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci aux auditeurs, auditrices de Air d'Afrique. Merci à toute l'équipe. Merci à tous mes fans. Oui, je vous aime. C'est pourquoi je vous souhaite une bonne année 2021. Santé, courage, amour. Surtout, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Oui, n'oubliez pas les gestes barrières. Gros bisous, je vous aime et bonne année. Salut, salut. Big up à tous les auditeurs de Radio G, particulièrement à M. Paul Brou. Ici, c'est l'artiste camerounais Issa Missive, chanteur et réalisateur cinéma. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Et surtout, n'hésitez pas à vous connecter sur ma page officielle, Issa Missif. Bon vent à tous. Bonjour, je m'appelle Kelly et je vous souhaite une belle année 2021 sur Radio G. Africa, oh Africa, Africa, berceau de l'humanité. Africa, mère nourricière. Lève-toi pour ta dignité, lève-toi, protège tes enfants. Salut, salut, je suis Atangana, artiste musicienne camerounaise, gardienne de la tradition. Meilleurs vœux à toute l'Afrique, meilleurs vœux à tous les Africains. Que l'année 2021 soit une année de détermination pour notre Afrique et une année surtout de décision. Bonne année à vous, bisous. Je salue tous les auditeurs de la Radio G à Angers. Je suis l'artiste Clarisse Lima, l'international, votre commandant de bord, la diamantée des DJ, l'international, la lionne indomptable du Cameroun. Oui, c'est moi, Clarisse Alima. Alors, je vous fais ce petit message, mes fans, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Donc, voilà, c'était mon petit message. Je vous aime tous. Allez-y écouter la galette musicale que je viens de mettre sur le marché depuis le 23 décembre. Un amazing que Paul Brout va vous faire déguster tout à l'heure. Meilleurs vœux pour les auditeurs de Air d'Afrique, Malek du groupe Niufa. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Écoutez, écoutez, bonjour, je suis Jamila du groupe Niufa. Je souhaite une excellente année 2021 à tous mes fans et aux auditeurs. Que cette année 2021 soit prospère pour nous tous. Restez connectés et soyez toujours connectés à Air d'Afrique. Merci beaucoup et à très très très très bientôt. Djadjo Faye, sama gars, nanga def walu bes yene ci jamm. Eh mais bonne année ñepp. Waaw, bonne année tous les amis, tout le monde, je lasse personne, tout le monde au Sénégal, partout dans le monde entier. Ce groupe Galgi qui va venir en ligne et tout. Alors, l'album bientôt il va sortir. Galgi Niofar et tout, d'accord. Allez, merci beaucoup, bonne année tous les amis, à tout le monde et sama gars Sénégal. Coucou, bonjour, c'est Chantal Taïba, artiste chanteuse ivoirienne. Je vous appelle pour souhaiter une excellente année 2021 à toute l'équipe Air d'Afrique de Radio Angers. Vraiment, que 2021 soit la meilleure de toutes les années que nous avons connues tous. Et puis, prenez la vie du bon côté, soyez positifs et bonne et heureuse année 2021. Bisous. Ah, vraiment. Merci, merci les amis. Vos messages me vont droit au cœur. Et j'espère que les auditeurs aussi sont vraiment heureux de vous écouter. Et comme chaque année, vous venez vers nous pour adresser vos vœux à nos auditeurs. Et c'est la première partie. On sera ensemble encore dimanche. Oui, c'est un peu spécial. Remarquez que nous faisons notre émission les semaines impaires. Donc, nous avons la chance de faire deux émissions de suite. Nous sommes dans la semaine 53 et après, nous serons dans la première semaine de l'année 2021. Donc, dimanche prochain, le 10, on sera encore ensemble sur Radio G à la même heure. Aujourd'hui, c'est la fin de notre émission. Je vous dis merci à tous pour votre fidélité. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année à chacune et à chacun. Restez à l'écoute des programmes de la Radio G. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux pour nous laisser vos impressions et sur le site de notre radio que je vous donne, www.radio-g.fr, pour nous réécouter. Chaque jour est un moment de bonheur. Notez-le bien, on se retrouve dimanche prochain. Je viens de le dire, c'est-à-dire le 10 janvier à la même heure, 15h, heure de Paris, pour un nouveau rendez-vous de la musique africaine. Pour ne pas vous tromper, retenez que notre émission passe en semaine impaire. J'avais déjà expliqué. Soyons prudents et respectons toujours les gestes barrières, même si les vaccins sont là. Je vous aime et on se sépare bien sûr en musique avec les sons de Thérèse, de Clarisse et de Chantal Taïba. C'est parti avec Thérèse. Jaume, baisse-moi mon cocon, y'allait. sous la main, bien si sans mon cher ignora, bien c'est lololo, bien ya oh. Shout. Commissaire Angola.